dès la seconde où nous venons au monde, nous sommes ensemble. Chacun de nous peut laisser son empreinte, mais ensemble, nous pouvons faire la différence. Élections européennes, le 26 mai, choisissez votre avenir. La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. C'est une histoire qui commence sur notre planète il y a près de 4 milliards d'années, l'apparition de la vie. Et depuis la toute première cellule dans l'océan primordial, le vivant n'a cessé de se complexifier jusqu'à la naissance de notre humanité. Éric Carcentier est biologiste, passionné de voile, et cette précision est loin d'être un détail, car à l'instar de Darwin sur son bateau, le Beagle, Éric Carcentier a fait avancer son domaine de recherche, en sillonnant aussi les mers du globe avec l'expédition Tara, afin de réaliser une collecte sans précédent de micro-organismes marins. Éric Carcentier, publié en octobre dernier aux sources de la vie de la cellule à l'être humain chez Flammarion. Et je vous propose dans un instant la rediffusion de cet entretien. Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. La Une de la Science s'intéresse aujourd'hui au sommeil des lézards. Et oui, puisqu'une équipe française confirme que comme les mammifères, les lézards possèdent deux phases de sommeil, peut-être même qu'ils rêvent, on en discute dans un instant. Frédéric Milano réalise aujourd'hui cette tête au carré qui a été préparée par Chantal Le Montagnier. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Bonjour Éric Carcentier. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va plonger avec vous dans quelques minutes aux sources de la vie, rien que ça, à l'occasion de la sortie de votre ouvrage chez Flammarion. L'histoire de la vie, c'est quoi finalement? C'est surtout l'histoire d'une complexification, c'est ce que vous essayez de montrer dans le livre. Oui, c'est ça. En fait, j'essaye de montrer, c'est que quand je dis les sources de la vie, ça veut pas dire l'origine de la vie. Ça veut dire les principes qui sont à la base de l'organisation du vivant, comme il est aujourd'hui et comme il s'est développé au cours des milliards d'années qui nous ont précédés. Ouais, mais tout a commencé dans la soupe primitive. Dans la soupe primitive. Et on va raconter ensemble cette histoire, au cours de laquelle d'ailleurs on va croiser des grands noms de la science et de la biologie. Et les auditeurs vont nous rejoindre pour en discuter avec les messages sur franceinter.fr. À tout de suite. Et à quoi rêvent les dragons barbus? Question essentielle posée aujourd'hui à la Une de la Science. Oui Mathieu, essentielle car le sommeil et son évolution dans le règne animal sont des sujets très mal connus. L'équipe Sommeil du Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon s'est donc intéressée à deux espèces de lézards. Ils montrent que comme les mammifères et les oiseaux, les reptiles possèdent deux états de sommeil qui auraient pu apparaître chez nos ancêtres il y a 350 millions d'années. On en discute avec vous, Paul-Antoine Libourel, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur de recherche pour le CNRS au sein de cette équipe Sommeil à Lyon, et c'est vous qui avez mené ces expériences. Alors pour commencer, je voulais vous demander, comment est-ce qu'on étudie le sommeil des lézards? Est-ce que vous leur mettez des petits casques sur la tête comme on le fait avec les hommes? Eh ben, en fait, curieusement, c'est exactement ce qu'on fait. Mmh. Alors, on regarde un peu plus de paramètres que ce qu'on peut regarder classiquement chez l'homme, notamment toute la recherche comportementale qui pourrait y avoir dans le sommeil. Le sommeil comportemental, on peut l'identifier par une position, par un seuil de réveil plus élevé, une réponse à une privation. Donc, c'est tous des critères qui nous permettent d'identifier le sommeil. Mmh. Et en plus, effectivement, on enregistre l'activité cérébrale, la fréquence cardiaque, le tonus musculaire, le mouvement des yeux, tout comme on pourrait le faire en médical. Oui, c'est très complet. Alors, est-ce que vous vous attendiez à trouver deux phases de sommeil, comme pour l'homme ou pour les mammifères? Alors, en fait, on a commencé les études là-dessus sans trop d'a priori. Quand on regarde la littérature qui a commencé essentiellement dans les années 70, au moment un peu après qu'on ait découvert le sommeil paradoxal et les deux types de sommeil, quand on regarde ce qui a été fait chez les reptiles, lézards, crocodiles et tortues, c'est pas très très clair. Du coup, en fait, on est parti sans a priori et on a essayé de regarder naïvement tout ce qu'on pouvait enregistrer pour essayer de voir si effectivement il y avait un ou deux états, s'ils étaient pareils, différents de ce qu'on pouvait trouver chez les mammifères. Mais pourquoi est-ce que c'est crucial l'histoire de un ou deux états alors ? Classiquement, dans les années 50-60, il y a eu des recherches chez l'homme puis chez le chat qui ont démontré qu'il y avait deux états de sommeil chez les mammifères, du coup, avec un état qu'on appelle plutôt sommeil lent, parce que l'activité cérébrale se ralentit et amplifie, et un état de sommeil paradoxal, qui a été nommé sommeil paradoxal par Michel Jouvet, sur Lyon d'ailleurs, parce que paradoxalement, l'animal est endormi, mais il a une activité cérébrale qui ressemble à l'éveil. Et cet état est plutôt un état de sommeil actif. Quand on voit un chien en sommeil paradoxal, on a tout de suite l'image des mouvements des yeux, des mouvements des moustaches, des pattes qui bougent. Et en étudiant cet état, on l'a retrouvé aussi chez les mammifères. Et les mammifères et les oiseaux partageant un ancêtre commun avec les reptiles, on s'est posé la question de si ça existait chez ces animaux. Alors pour le lézard, on parle de sommeil lent et paradoxal aussi ? C'est pas aussi clair. En fait, on a utilisé cette définition chez les mammifères. Du coup, en la cherchant chez les oiseaux, on a retrouvé quelque chose qui ressemblait, avec des ondes lentes et un sommeil paradoxal avec des mouvements oculaires. Chez les reptiles, on n'a pas trouvé ça. Et la question, c'est est-ce qu'on peut le nommer de la même façon alors qu'on n'a pas forcément quelque chose qui ressemble. C'est toute la difficulté de travailler sur des animaux qui ont un mode de vie, une organisation cérébrale qui peut être différente et du coup qui peut peut-être avoir des signatures de ces états qui ne ressemblent pas forcément à celles des mammifères. Alors, le fait que les oiseaux, les mammifères et donc là, les reptiles partagent ces deux phases de sommeil, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'évolution dans le vivant ? Alors, globalement, il y a deux hypothèses. Si on a trouvé du sommeil lent et du sommeil paradoxal, si on continue à les appeler comme ça, chez les mammifères et chez les oiseaux, on va se poser la question de ce qui est arrivé à leurs cousins, les reptiles, qui ont, je le répète juste, un ancêtre commun. Donc, ça veut dire qu'ils descendent tous de la même, du même animal. Ouais. On peut se poser la question, s'il n'y en a pas chez les reptiles, ça voudrait dire que ces deux états sont apparus avec le mode de vie actif, avec l'apparition du sang chaud ou de l'homéothermie, de la régulation de température. Et du coup, peut-être que le lien, qu'il y existe un lien direct entre ce mode de vie et l'existence de ces deux états. Alors que si ça existe chez des animaux à sang froid, donc les reptiles qui ont un ancêtre commun, ça va changer notre façon de voir ou nous permettre de voir ce sommeil d'une façon différente. Et globalement, si on identifie deux états chez les reptiles, les mammifères et les oiseaux, ça voudrait dire que l'ancêtre commun, lui aussi, avait ces deux états de sommeil. Donc, ça veut dire qu'on remonte beaucoup plus loin dans l'arbre du vivant. Est-ce qu'il y a des animaux qui ne dorment pas du tout ou très très peu ? Alors, globalement, on pense que tous les animaux dorment. Après, il a été rapporté des animaux, comme des poissons cavernicoles, qui rapportaient des phases d'activité constantes. Après, est-ce que ça veut dire qu'ils ne dorment pas ? Ça devient un petit peu compliqué. Est-ce que, par exemple, les mammifères marins font du sommeil unilatéral ? Donc, c'est une adaptation qui leur permet de dormir et d'être quand même éveillé en même temps. En fait, la question est assez compliquée. Et d'ailleurs, on le voit aussi dans votre étude, parce que vous avez étudié deux espèces de lézards et le sommeil est très différent déjà chez ces deux espèces. C'est exactement ça. On a répliqué une étude qui avait été faite en 2016, qui avait montré que chez le dragon barbu, donc un lézard australien, on avait une alternance entre deux états cérébraux. Un état où il y avait des ondes cérébrales lentes et de basse fréquence, qui faisait penser au sommeil lent, qui alternait avec une phase d'activité cérébrale qui ressemblait à l'éveil. Et pendant cette période, il y avait quelques mouvements oculaires faisant penser au sommeil paradoxal. Donc nous, dans notre étude, on a répliqué ces données-là qui confirment bien cette façon de dormir de ce dragon barbu. Et on a enregistré un autre lézard d'une autre famille. Et en fait, de façon assez curieuse, on n'a pas du tout retrouvé la même chose. On n'a pas ces ondes lentes, on n'a pas cette alternance extrêmement régulière. Du coup, on a identifié des différences entre les deux lézards assez importantes. Alors Paul-Antoine Libourel, pour terminer, il faut qu'on vous pose cette question. Est-ce que vos résultats permettent de penser que les lézards rêvent alors ? Ah oui, ça, on veut savoir absolument. Moi, j'aimerais encore bien savoir, je vais peut-être vous décevoir. Ce qui se passe, c'est qu'on a identifié deux états, dont un partage des caractéristiques avec le sommeil paradoxal des mammifères, et c'est pendant ce sommeil paradoxal qu'il y a la majorité des rapports de rêve chez l'humain. Le problème, c'est que les lézards, ils ne se sont jamais réveillés en me racontant à quoi ils avaient pensé. Ah. Du coup, on n'est pas arrivé à savoir. C'est une réponse de scientifique normand. Ils ne coopèrent pas bien, les lézards. Paul-Antoine Libourel, merci beaucoup. Oui. Merci en tout cas. Merci à vous. Et bravo pour vos recherches. Merci à vous et Axel, on se retrouve demain. À demain Mathieu. Que tu me blesses. T'es déjà loin du rivage, en sevrage sur la plage. Chez toi, j'emmène pas large. Chez toi, sixième étage, je suis prise d'envie sauvage, clair-obscur, caravage. Dans mes yeux, c'est l'automatique arrosage. J'du billet filigrane avec la face de Reagan. Et si tu veux, j'te dépanne. Moi j'connais toutes tes failles. Soirée paille, on pagaille, c'est pas gay, tu te fais mal. Moi con que t'as pas d'âme, mais moi j'veux être ta femme. Tout mon corps te réclame. Dans mon cœur, c'est automatique arrosage. Et si tu veux, on parle de nous. Sauf si tu décides qu'on s'en fout. Ouais, moi pour toi, je suis prête à tout. Ouais, moi je donne le tout pour le tout. Mais si tu veux, on parle de nous. Ouais, moi j'aimerais qu'on parle de nous. Ouais, moi pour toi, je suis prête à tout. Ouais, moi pour toi, je suis prête à tout. À te mentir, prétendre que je m'en fous. À te mentir, prétendre que je m'en fous. Que si tu crèves, c'est rien du tout. Que si tu crèves, c'est rien du tout. Que si tu crèves, c'est rien du tout. Que si tu crèves, c'est rien du tout. Marie-Flore, c'était QCC. La tête au carré sur France Inter. Éric Carcenti, vous êtes notre invité cet après-midi à l'occasion donc de la sortie de ce livre « Source de la vie, de la cellule à l'être humain », la plus belle histoire jamais écrite, la nôtre. Hein, voilà, c'est le sous-titre de cet ouvrage qui paraît chez Flammarion. Et vous êtes biologiste, directeur de recherche au CNRS, membre de l'Académie des sciences. Vous avez été directeur scientifique de l'expédition Tara, médaille d'or du CNRS. Et les auditeurs nous rejoignent avec des questions pour vous sur le site de l'émission franceinter.fr et le mot-clé « L'attaque ». L'idée de ce livre, on l'expliquait un petit peu tout à l'heure déjà, c'est donc d'explorer de la façon dont le vivant s'est complexifié depuis la toute première cellule. Et vous qui êtes spécialiste justement de la cellule vivante, pourquoi est-ce qu'on précise vivant? Bah, une cellule, c'est toujours vivant, bien non? Bien sûr, ouais, c'est toujours vivant. Ouais. Mais c'est un peu, c'est tellement vivant qu'on a envie de le dire, je pense. Ouais. Ça bouge, c'est vivant, quoi. Ouais, ouais. Ouais. Alors, quelle différence il faut faire d'ailleurs, parce qu'évidemment, on est dans ce domaine très vaste de la biologie, entre la biologie cellulaire et la biologie moléculaire. Alors, puisqu'on parle des deux là. En fait, c'est un peu les deux. C'est-à-dire que la biologie moléculaire, c'est un peu un outil pour comprendre comment le vivant fonctionne, comment les cellules fonctionnent et comment les organes fonctionnent. On n'est pas à la même échelle, on pourrait dire. C'est pas la même échelle, c'est-à-dire que la biologie moléculaire, hein, s'intéresse aux molécules qui constituent le vivant, alors que la biologie cellulaire s'intéresse à la façon dont ces molécules s'organisent pour faire quelque chose qui fonctionne comme un tout. Ouais. Parce que le vivant, c'est pas les molécules, c'est évidemment l'ensemble, les molécules qui interagissent entre elles à l'intérieur d'une membrane. Alors, vous parlez des êtres vivants comme de territoires dynamiques, toujours en mouvement. Mais est-ce que l'on sait justement ce qui est à l'origine de la première animation, de la toute première cellule, lorsque la vie justement a émergé, ce moteur-là au tout départ, ce passage de l'inerte au vivant? Est-ce que la science est en mesure de répondre à la question aujourd'hui? Non, actuellement, on ne sait pas. On a des idées, hein, mais on peut imaginer. Mais on ne sait pas comment ça s'est produit. Pour moi, ça, quelque chose devient vivant à partir du moment où il y a une membrane, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de séparation du milieu extérieur avec quelque chose à l'intérieur, et un métabolisme, c'est-à-dire une activité qui produit de l'énergie localement à l'intérieur. Et puis évidemment, la propagation. Hein, c'est un peu ça, le minimum qu'on peut définir pour un système vivant, c'est ça. Donc ça, comment ça s'est produit? C'est là où il y a vraiment une grande question, parce qu'il a fallu qu'en même temps, des molécules complexes apparaissent, qu'elles soient à l'intérieur d'une vésicule, et que tout ça se mette à fonctionner comme un système. Ouais. C'est un système, c'est quelque chose qui fonctionne comme un tout. Hein, donc il fallait plein de conditions particulières. Il fallait plein de choses, ouais. Qui, à un moment, ont été réunies. Pour faire en sorte que ça puisse émerger. Exactement. Et ça s'est passé sur Terre chez nous. Et alors, en fait, ça s'est passé... Ce qui est très étonnant, c'est qu'on a beaucoup d'informations maintenant qui nous disent que ça s'est passé très très vite après la formation de la Terre. C'est environ... La formation de la Terre, c'est à peu près 4,3 ou 4,5 milliards d'années. Et la vie a commencé il y a à peu près 4 milliards d'années, selon les dernières estimations. C'est très peu. Donc ça veut dire qu'il y a des conditions très particulières qui sont apparues sur Terre, qui ont permis... cet événement un peu magique. Hein. Ouais. Alors, sauf qu'au début, vous décrivez l'état de la Terre, c'est absolument invivable. Hein. Ah oui, au début. Avant l'arrivée justement de ces premières cellules. Ces premières cellules, Il n'y a pas d'eau d'ailleurs. Au début, il y a de la vapeur d'eau. Ouais. Et puis tout d'un coup, la Terre s'est refroidie. Et à ce moment-là, il y a eu des pluies gigantesques et les océans sont formés. Ouais. Alors, de formation, parce que justement, on suit toute l'évolution de la biologie avec vous dans ce livre. Et ce qui est formidable, finalement, qu'il y a un biologiste, c'est que tous les événements de la vie deviennent des sujets de réflexion. Par exemple, la grossesse de votre femme. Vous en parlez dans l'ouvrage. Dont vous dites que c'est une période magique pour vous. Oui, j'ai trouvé, effectivement, parce que, d'abord, c'est très chaleureux, parce que c'est un peu quelque chose qu'on vit en couple à deux, hein. Comme, donc, bien, c'est la femme qui porte l'enfant, mais le père aussi. Il se passe plein de choses. Et puis, il y a quand même la naissance. On sent cet enfant grandir dans le ventre de la femme. Et puis, on voit vaguement des formes apparaître. Et puis, on sait qu'à la fin, ça sera un être humain. Donc, c'est extraordinaire, quoi. Ouais. Et c'est le prodige de la complexité, finalement, aussi. Oui, de la complexité. Et de l'organisation. Exactement. Des cellules, justement. On commence tous comme du plancton, hein, comme dit Colomban de Vargas. Ouais. C'est-à-dire qu'on commence tous avec un œuf et un spermatozoïde. Et dans l'océan, les œufs et les spermatozoïdes et les embryons, c'est du plancton. Ouais. Donc, en fait, notre première existence, c'est une existence planctonique. Oui, c'est ça. Et un enfant, quand il naît, il porte en plus en lui des milliards d'années d'évolution. Ah ouais, ouais. Hein, c'est ça. Ouais, c'est-à-dire qu'on naît avec ce patrimoine-là? Cette mémoire, comment on peut exprimer les choses? Eh ben, en fait, il s'est passé plein de choses. Si vous voulez, il s'est passé énormément. Bon, la vie a commencé avec des cellules assez simples. Pendant 2 milliards d'années, il y avait des bactéries dans l'océan. Tout s'est passé dans l'océan pendant très longtemps. Et à partir des bactéries, il y a des cellules plus complexes qui sont apparues. C'est les cellules eucaryotes qui sont comme nos cellules, parce que les cellules sont plus petites. Les bactéries sont. Nous sommes plus des eucaryotes. Simples. On est des eucaryotes. Voilà. Et ces cellules uniques, elles étaient toutes seules, elles vivaient toutes seules dans l'océan, comme ça, elles se sont complexifiées. Et il y a à peu près 500 millions d'années, il y a eu une explosion de complexification. Et c'est pendant cette période-là que tous les gènes qui sont nécessaires à former un être humain, ou une grosse partie, disons pas tous, mais une grosse partie des gènes qui sont nécessaires à former un être humain, sont apparus. Ouais. Gènes essentiels, quoi. Dans l'océan, dans des cellules uniques. Hein, c'était les protistes, ce qu'on appelle les protistes. Ouais. C'est les premiers animaux, finalement, à cette période? Alors, c'est des animaux ou des algues. C'est les premiers. Il y a des éponges. Il y a des éponges, voilà. Il y a des petites cellules qu'on appelle des coanoflagellés, qui sont à l'origine des éponges, qui ressemblent un peu à des spermatozoïdes, d'ailleurs, qui ont un flagelle et puis une corolle. Et donc, tout a commencé comme ça. Et puis finalement, à partir de ces coanoflagellés, des organismes multicellulaires sont apparus. Et puis tout s'est complexifié. Alors justement, c'est une des grandes questions. Et pourquoi ça a explosé alors il y a 500 millions d'années? Vous parlez d'une explosion qui a donné naissance à cette complexité. On ne sait pas trop. Une des raisons invoquées, c'est que il y a à peu près 500 ou 800 millions d'années, justement les protistes aussi On séquestrait le gaz carbonique et on fabriquait beaucoup d'oxygène. La concentration d'oxygène a augmenté dans l'atmosphère et dans l'océan jusqu'à 20%. Et donc, ça a peut-être, cet oxygène a permis, a fourni beaucoup d'énergie. Et la photosynthèse aussi a donné énormément d'énergie au système, qui a permis la complexification. La complexité, c'est entièrement dépendant de l'énergie. Il faut beaucoup d'énergie pour faire des choses complexes. Alors, on le disait tout à l'heure, on croise aussi dans cet ouvrage de grandes figures de la science. Et vous évoquiez les spermatozoïdes, justement. On fait connaissance avec l'homme qui, le premier, a vu un animalcule. Hein, c'est comme ça qu'il le nommait à l'époque. Animalcule, c'est amusant. Ouais. Et donc, il a vu ça parce que c'était au XVIIe siècle. Ouais. C'est Antonin von Leeuwenhoek. Donc, il avait déjà des microscopes à l'époque. Oui, il avait déjà des microscopes. Et lui, la façon dont il décrit ça, c'est, je ne sais pas si je le décris. Ah, mais allez-y, oui. C'est assez amusant parce qu'il décrit ça à la Société Royale de Londres, scientifique de Londres. Ouais. Et puis, il a observé un résidu, comme il dit, de coït. Et il a vu dedans des animalcules, etc. Et c'est comme ça qu'il a découvert les premiers spermatozoïdes. Il était un peu embarrassé de décrire ça devant ses pairs. Donc, il leur a demandé s'il pouvait effectivement le publier. Mais c'est une anecdote assez amusante. Ouais. Et c'est lui aussi qui voit les premières cellules vivantes, justement. Les premières cellules, c'était un début incroyable. Est-ce qu'il a réalisé d'ailleurs ce qu'il voyait au fond? Je sais. En fait, c'est difficile. Ouais, c'est une bonne question. Je sais pas. Oui, je pense. Hein. Je pense qu'il savait que c'était important, quoi. Et puis très vite, on s'est aperçu que c'était la base de la vie, quoi. La cellule, sans cellule, il n'y a pas de vie. Hein. Ouais. Éric Carcentier, justement, vous évoquez beaucoup la technologie aussi, et le microscope en particulier, parce qu'on a pu faire autant de bons en avant dans la biologie cellulaire, grâce au microscope, évidemment. Ouais. Hein. Les technologies ont tout bouleversé. Absolument, oui. Ouais. Bon, ça remonte déjà à Zeiss, le premier, j'en parle dans le livre, Zeiss était un des premiers ingénieurs qui a fait des microscopes modernes, quoi, assez performants. Et c'est très intéressant parce que le progrès du microscope, c'était lié à une collaboration entre Zeiss et comment il s'appelle un autre ingénieur qui faisait des verres très particuliers. Ouais. Et c'est donc une collaboration entre un chimiste et un physicien finalement qui a conduit à la création des premiers microscopes. Et puis moi, j'ai fait la même expérience. On a fait à l'EMBL, on a beaucoup développé des microscopes très performants. Mm-hmm. Et effectivement, à chaque fois qu'on fait un nouveau microscope, on voit des choses qu'on voyait pas avant. Alors l'EMBL, justement, c'est ce centre laboratoire européen de biologie moléculaire. D'ailleurs, il y a des entités un petit peu partout en Europe, évidemment. Ouais. Et vous avez justement été un directeur d'un des centres à Heidelberg. D'une unité. Une unité de biologie cellulaire et de biophysique à Heidelberg. Ouais. Qu'est-ce qu'on y fait d'ailleurs dans ce centre européen? Parce que l'idée au départ, c'était de concurrencer les Américains, c'est ça? Oui, en fait, au départ, le MBL a été créé à la suite, à partir de Léo Szilard. C'était un physicien qui avait participé au nucléaire au CERN. Donc c'est parti du CERN, du labo de physique européen. Et à l'époque, l'Europe était très en retard sur l'Amérique, en biologie moléculaire en particulier. Et donc l'idée, c'était de créer un laboratoire international, financé par différents pays européens, pour pouvoir concurrencer les Américains. Ouais. Éric Carcentier, vous nous emmenez aux sources de la vie, et on poursuit le voyage avec vous dans un instant avec les messages des auditeurs. La tête au carré sur France Inter. Il y a dans ce flacon une substance qui est plus précieuse que l'or, les diamants ou le pétrole du monde réunis. Cette substance, les Anglais l'appellent le DNA. Les Français, l'ADN. Et les chimistes, d'un nom un peu barbare, l'acide désoxyribonucléique. Suivant le point de vue auquel on se place, c'est une substance chimique inerte où c'est déjà de la matière vivante. Quoi qu'il en soit, tout le mystère de la vie se trouve à l'intérieur de ces substances. Et ce flacon est un peu une boîte de Pandore. C'est drôle de réécouter les archives. Hein. Ah, 1962, oui. Éric Carcentier, puisqu'on parle de la source de la vie, des sources de la vie avec vous cet après-midi. Et donc, cette archive autour de l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, voilà. Et c'est vrai qu'à l'époque, on se pose encore plein de questions. Ah, oui, exactement. Ouais. Où en est la science, d'ailleurs, à ce moment-là, dans les années 60, juste avant le Nobel, là, précisément, autour de l'ADN? On connaissait déjà beaucoup de choses. Hein. On connaissait comment l'ADN était utilisé pour faire des protéines, pour faire ce qui est nécessaire à fabriquer des cellules. cellules. Donc on connaissait déjà beaucoup beaucoup de choses à cette époque-là. Ouais. Autour de l'hérédité. Oui, bien sûr. On savait la connexion qu'il y avait entre l'ADN. Et, j'en parle beaucoup dans le livre d'ailleurs. Comment les liens ont été établis entre l'ADN, les chromosomes et l'hérédité. Ouais. C'est assez amusant. Il y a toute cette saga. Hein. Voilà toute cette saga. Et en fait, moi, en écrivant le livre, j'ai relu beaucoup toute cette histoire et j'ai redécouvert un petit peu toutes les fils. En fait, c'est marrant. C'est un peu comme un roman policier où chaque chercheur a établi quelque chose et puis ensuite les choses se sont mises ensemble. Il y a Mendel par exemple qui était aussi un personnage, alors avant évidemment avant les années 60 hein, puisque là on est au 19e siècle avec Mendel, moine d'ailleurs au départ et puis passionné de sciences naturelles, et il fait des découvertes justement cruciales autour de la cellule vivante précisément. Exactement, et ben il découvre comment les caractères morphologiques des petits pois sont transmis de génération en génération par ce qu'il appelait des particules qui sont en fait les gènes. Donc il invente la génétique. Hein. Il a inventé la génétique carrément. Ouais. Et c'est marrant parce que il n'était pas ça n'a pas été reconnu tout de suite, sa découverte. Plutôt ignoré de ses contemporains, Mendel, c'est ça? Et c'est venu après, finalement? Ouais, je me rappelle plus combien de temps après, je l'ai écrit dans le livre, mais je me rappelle plus du temps, mais quelques dizaines d'années après, je crois, ses découvertes ont été redécouvertes, quoi, par trois chercheurs. Donc il faut retisser les fils, évidemment. Voilà. Et puisqu'on est dans l'ADN, tiens, on va poursuivre un petit peu le récit, parce que vous parlez d'une photo absolument historique, qui s'appelle la photographie 51. Mm-hmm. Racontez-nous, justement, l'histoire de ce cliché qui a tout changé, finalement. Bah oui, c'est un cliché qui a été pris par une femme, comment elle s'appelle? Rosalind Franklin. Et puis en fait, apparemment, elle a pas tout de suite compris ce qu'elle voyait. Sur ce cliché, Et puis il y avait Watson, ce jeune américain qui a vu cette photo qui lui a été montrée. Ouais. Et qui lui était tout de suite absolument fasciné par la régularité c'est une radiographie en fait de la molécule, et qui avec Crick a publié le premier. Donc c'est triste pour Rosalind parce que elle a été oubliée des Nobel. Et puis pas beaucoup de monde la connaît alors que tout le monde connaît Watson et Crick. Et donc elle n'était pas présente à Stockholm, la remise des Nobel donc en 62. Le 10 décembre 1962 à Stockholm, cinq physiciens et chimistes recevaient collectivement dans le faste et la pompe le prix Nobel des mains du roi de Suède. Ils s'appellent Crick, Watson, Wilkins, Perutz, Kendrew. Trois de ces chimistes et physiciens recevaient non pas un prix de chimie ou de physique, comme il serait logique de le penser, mais de médecine. Objet de leurs travaux, la structure du DNA. Mais quel rapport y a-t-il donc entre la physique, la chimie et la vie? Là, les trompettes royales, Eric Arsenti, autour de l'ADN. Et donc, effectivement, ce nom de Rosalind Franklin que vous permettez aussi de remettre sur le devant de la scène. Ouais, j'en ai parlé parce que elle a joué un rôle important. Et c'est vrai qu'on l'a beaucoup oublié. Alors, cette forme en double hélice, ça, c'est très, très beau aussi. Elle est très belle, cette molécule. Ouais. C'est une molécule magnifique, Donc, c'est ce qui a été découvert à ce moment-là et qui a beaucoup changé aussi, justement, l'évolution de la biologie à ce moment-là. Bah oui, parce que, en fait, ça a beaucoup changé. Ça a eu deux effets. D'abord, ça a eu un effet très positif parce que c'est le fait de connaître la structure de cette molécule, ça a permis de comprendre comment l'information était transmise comme une photocopie, puisqu'elle a une forme qui lui permet de se dupliquer. Et puis aussi, ça a permis de comprendre le code génétique. C'est-à-dire, c'était le début, on s'est aperçu qu'il devait y avoir un code, parce qu'il y avait des bases qui étaient organisées d'une façon un peu particulière, des bases, les gens ne savent pas trop, mais des molécules, empilées les unes dans les autres qui donnent sa forme à l'ADN. Et donc, c'est à partir de là qu'on a commencé à découvrir le code génétique, Éric Arsenti, Jean-Paul sur franceinter.fr, une question pour vous. Il aimerait savoir quelles sont les différences entre les cellules végétales et animales. Oui. Allez, cours de bio. Les cellules végétales, en fait, sont un peu autonomes. C'est-à-dire qu'elles utilisent l'énergie solaire, la photosynthèse, donc la lumière du soleil, pour fabriquer avec des sels minéraux leur propre matière et produire de l'oxygène. Les cellules animales peuvent pas faire ça parce qu'elles ont pas justement de chloroplastes qui permettent la photosynthèse. Elles peuvent pas faire de photosynthèse. Donc elles sont obligées de se nourrir. Donc elles se nourrissent, soit directement en mangeant, pour les petites cellules, toutes qui vivent tout seules, soit comme nous, par exemple, nos cellules, on est obligé de manger parce que on n'a pas de chloroplastes, on n'est pas vert. Ouais. On n'est pas des petits hommes verts. Non. Mais en fait, c'est assez amusant parce que j'en parle dans le livre, il y a des salamandres. qui ont des cellules, des, qui sont capables de faire des, qui ont des chloroplastes dans leur, dans certaines de leurs cellules. Et qui sont capables de faire donc de faire de la photosynthèse. Mais donc ça, c'est très, animaux. C'est très rare. C'est très rare. Ouais. Dans le règne animal, quand même. Ouais, c'est très rare. Donc nous, on a inventé la prédation, par contre. La prédation, voilà. Et ça, vous en parlez aussi beaucoup, hein. On est obligé de manger, d'attraper d'autres. Et ça joue un rôle essentiel dans l'évolution aussi. Ça a joué un rôle capital. Bah, surtout au niveau des cellules. Certes, dans l'océan, avant que les organismes multicellulaires apparaissent, la prédation a commencé par les cellules animales qui mangeaient, qui avaient pas de chloroplastes, qui vivaient toutes seules dans l'océan, mais qui étaient obligées de manger les autres. C'est-à-dire qu'elles mangeaient les cellules qui avaient des chloroplastes, comme nous, on mange les plantes. Mmh. Et donc, en faisant ça, il y a des phénomènes de symbiose qui se sont mis en place, et il y a eu plein d'interactions avec différents types de cellules, et c'est probablement ça qui est à l'origine, en partie, de la complexification du vivant. La symbiose, c'est quoi? C'est l'interdépendance entre deux espèces distinctes, c'est par ça, exemple? C'est ça. Par exemple, dans le corail, le corail a besoin d'une algue photosynthétique. Quand le corail blanchit, par exemple, avec l'augmentation de la température, il rejette cette algue photosynthétique, et si la température reste haute trop longtemps, l'algue revient pas et il meurt. Donc, il peut vivre pendant un certain temps sans cette algue, mais il a besoin de l'algue vraiment pour vivre. Donc ça, c'est une symbiose. Ouais. Nous, on vit en symbiose avec des bactéries dans notre intestin. Oui, c'est ça. On habite presque chez les bactéries, d'ailleurs. Voilà, on a qui est chez qui, on peut se poser la question. La symbiose, c'est toujours entre deux espèces ou ça peut être entre plusieurs espèces? Ça peut être plusieurs. Hein. Ouais. Ça peut être des systèmes très compliqués. Et une autre question de Rihanna qui nous dit, est-ce que vous pourriez nous expliquer le processus pendant lequel les cellules pluripotentes commencent à se spécifier? Alors, il faut décrypter là justement pour nous tous. Hein. Des cellules pluripotentes, c'est quoi déjà? Ben, les cellules pluripotentes, c'est des cellules qui sont pas en qui sont pas différenciées, c'est-à-dire qui n'ont pas de fonction particulière. Mm-hmm. On est composé d'à peu près 200 cellules. C'est de la cellule neutre, un petit peu, on pourrait dire. C'est la cellule originaire, originelle un peu. Ouais. C'est la cellule qui dérive de l'œuf, très proche, et qui est pas spécifiée. C'est-à-dire qu'on a, 200 types cellulaires, on a des neurones, des cellules de foie, des cellules intestinales, tout ça. Et au cours du développement embryonnaire, il y a des périodes où les cellules, tout à fait au début, les cellules sont capables de faire n'importe quelle cellule. Ouais. Et progressivement, pendant que l'embryon se développe, elles vont se spécifier. Elles se spécifient parce qu'il y a des contraintes locales. Et c'est ce qui va fabriquer nos organes, par exemple. C'est ce qui fabrique nos organes. C'est ça. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on a des cellules qui ont des formes très variées, alors qu'elles ont toutes le même génome. Ouais. Donc ça pose une question intéressante. Et alors justement, ce processus, au moment de cette différenciation, qu'est-ce qui se passe pour que précisément il y ait cette dynamique? Ce qui se passe, c'est que le génome reste le même, mais par contre, il est modifié. Enfin, la séquence d'acide nucléique reste la même, mais par contre, les chromosomes sont modifiés. Ils sont modifiés par des phénomènes de régulation assez compliqués, qui font que la cellule ne peut plus exprimer tous les gènes qu'elle exprimait au début, ou se met à en exprimer d'autres. Donc elle change. L'histoire naturelle de ces îles est éminemment curieuse et mérite la plus grande attention. La plupart des productions organiques sont essentiellement indigènes et on ne les trouve nulle part ailleurs. On remarque même des différences entre les habitants de ces diverses îles. Tous ces organismes, cependant, ont un degré de parenté plus ou moins marqué avec ceux de l'Amérique, bien que l'archipel soit séparé du continent par 500 ou 600 milles d'océan. Cet archipel, en un mot, forme un petit monde à lui seul, ou plutôt un satellite attaché à l'Amérique, d'où il a tiré quelques habitants et d'où provient le caractère général de ses productions indigènes. On est porté à croire, en voyant chaque colline couronnée de son cratère et les limites de chaque coulée de lave encore parfaitement distinctes, qu'à une époque géologiquement récente, l'océan s'étendait là où elle se trouve aujourd'hui. Ainsi donc, et dans le temps et dans l'espace, nous nous trouvons face à face avec ce grand fait, ce mystère des mystères, la première apparition de nouveaux êtres sur la Terre. Voilà, les Galapagos, voyage d'un naturaliste autour du monde avec la voix de Stéphanie Duncan, Charles Darwin, évidemment, Eric Carcenti, à bord de son navire, entre 1831 et 1836. Ce grand voyage qui vous a beaucoup inspiré d'ailleurs. Pote Darwin, et le Beagle en particulier, vous qui aimez tant la voile. C'est le livre de Darwin sur son voyage de 5 ans autour du monde. J'ai trouvé ça super parce que il y a ce mélange d'aventure, parce qu'il raconte quand il part sur Terre, il se fait pourchasser par les Indiens en Amérique du Sud avec les gauchos et tout. Et puis en même temps, il raconte des choses comme ça. C'est-à-dire ce qu'il a observé qui l'a amené à la théorie de l'évolution. Donc c'est un mélange de voyage et de science, quoi. Ouais. Mais alors, ce qui est amusant, c'est que là, on a vraiment une observation de la partie terrestre. Il a été sur les eaux des océans pendant donc 5 ans, hein. Et finalement, la partie océanique en elle-même, il est passé à côté presque. Complètement. Hein. Le problème, c'est qu'il avait un mal de mer épouvantable. Ouais. Et donc, quand il était sur le bateau, il n'était pas très bien. Donc, il a beaucoup nourri la mer. Il a quand même fait des observations sur la mer intéressantes. Ouais. Mais il a vu qu'il y avait des petits organismes qui, au microscope quand même, dans l'eau, mais il n'a pas fait grand chose. Par contre, toutes ces observations terrestres ont été fabuleuses, quoi. Et puis, quand même les coraux, l'histoire des coraux, c'est intéressant. Alors, cette histoire de Darwin et du Beagle, ça vous a vraiment inspiré pour le coup? Oui, et du coup, c'est ça qui m'a donné l'idée de faire l'expédition Tara Océan. Enfin, au début, j'avais pensé, quand j'ai lu le livre, j'ai lu le livre en 95. Et je m'étais dit, j'avais envie de refaire le voyage pour moi en fait, avec mon propre bateau. Et puis j'étais occupé, j'ai travaillé. 5 ans, c'était trop long. C'est trop long, on pouvait pas faire ça. Jeune, on pouvait pas le faire. Donc j'ai oublié. Hein, puis j'ai travaillé. Et puis ça m'est revenu en 2000. Et c'est là que j'ai pensé à refaire. J'en ai parlé à des amis qui m'ont dit, mais oui, faut essayer de faire ça. Mais je pensais surtout faire une expédition médiatique un peu, c'est-à-dire pour faire de la vulgarisation scientifique, justement, qu'on est en train de faire en ce moment. Et puis bon, ça n'a jamais marché. Donc finalement, j'ai réussi à rentrer en contact avec la famille troublée Tara. Et puis, j'ai décidé de faire une vraie expédition scientifique. Et c'est comme ça que Tara Océan a commencé. Et c'était en 2009. 5 marins, 5 scientifiques et des visiteurs triés sur le volet. Le rôle d'équipage de Tara est complet. La grande goélette reprend sa quête pour la collecte de données scientifiques. Le bateau a été transformé en laboratoire flottant. Le projet Tara Océan suit en partie les traces de Darwin et de son voyage sur le Beagle. Cette fois, ce sont les micro-organismes marins, mal connus des scientifiques, qui seront auscultés, répertoriés et modélisés. Le bateau est maintenant équipé de prises d'eau, d'appareils de filtration et d'observation. Une petite partie des données sera traitée sur place. Le reste sera réparti sur une 50aine de laboratoires où physiciens, biologistes, chimistes ou océanographes mettront en commun leurs résultats. Une énorme masse d'informations constituant une base de données pour les générations futures. Voilà, ça vous amuse de réentendre ce sujet, Eric Arzanti. 2009, donc c'était le démarrage. Ça a été long quand même à mettre en place, c'était très ambitieux. Ouais. Il y avait effectivement le souhait de revenir dans cette espèce de longue tradition des explorations naturalistes. Mm-hmm. Mais il fallait trouver les moyens quand même. Hein. Oui, ça a été compliqué. Oui. On a trouvé les moyens au fur et à mesure. On a monté ça un peu avec des bouts de ficelle et puis finalement ça a très bien marché. Et effectivement, on a trouvé des quantités de choses nouvelles vraiment fabuleuses. Quoi. Ah bah vous êtes même très modeste parce que vous avez quand même révélé, on peut le dire comme ça, la diversité du vivant, hein, tout simplement. Enfin, en tout cas, dans l'océan. Dans l'océan, mais c'est pas rien. Non, c'est pas rien. En surface, dans l'océan, en surface. Ouais. Mais c'est considérable. Et puis, j'étais très surpris, en fait, du nombre. On a trouvé un grand nombre d'espèces, bien sûr, surtout des eucaryotes, donc ces fameuses cellules comme nous. Hein. Mm. Et 150 000 genres, ça fait probablement quelques millions d'espèces d'eucaryotes. Et surtout, un nombre de gènes considérable. On a trouvé 47 millions de gènes bactériens. Qu'on ne connaissait pas? La moitié, entre 30 et 50%, on connaissait. Et puis, 115 millions, quelque chose comme 113 millions de gènes eucaryotes. Ce qui est colossal. Et là, on en connaît 20%. 30%. Mais comment on fait pour analyser une telle masse de données, justement? Justement, ça, c'est une chose qu'on n'aurait pas pu faire, en fait, au début de Tara Océan. Le séquençage n'était pas suffisamment performant et trop cher. Donc, c'était il n'y a même pas 10 ans. Hein. C'est même pas 10 ans. C'est incroyable, quand même. Ça a beaucoup changé. Ouais. C'est-à-dire que, dans les 2-3 ans qui ont suivi, le départ de l'expédition, c'est devenu possible grâce au séquençage, mais aussi au progrès de l'informatique et du stockage des données, de l'analyse. Donc maintenant, ce sont des algorithmes qui analysent tout ça. Voilà. Donc on peut faire des analyses, c'est dingue, quoi. Ça a complètement changé. Donc vous avez permis ce catalogue quasiment exhaustif, finalement, de la diversité des organismes marins. Mm-hmm. C'est ça, hein? Oui, c'est pas exhaustif, mais on voit, disons que pour la première fois, on voit à peu près les bornes, si vous voulez, de la diversité, quoi, génétique et des organismes. Ouais. Donc ça, c'est assez considérable. Hein. C'est Alors maintenant, il reste à comprendre finalement comment toute cette complexité... C'est ça. Pour faire une bactérie qui fonctionne, on a besoin de 500 gènes. Mmh. Un être humain, c'est composé de 20 000 gènes. Mmh. Et là, il y en a des millions dans l'océan. Donc, vous qui aimez la complexité, vous êtes gâtés. Voilà, on est gâtés. Vous avez de quoi faire pour plusieurs vies, hein, parce que c'est incroyable le travail qu'il y a à faire. Ouais. Boukhari, sur le site de l'émission, nous demande ceci. On parle beaucoup du génome de la cellule, mais très peu de la mitochondrie, qui pourtant est un véritable cœur énergétique de la cellule. Oui. Alors la mitochondrie, c'est quoi ? C'est la petite usine, quoi. La mitochondrie, c'est la petite usine qui fabrique le pétrole de la cellule, l'ATP, qui est le pétrole de la cellule. Et en fait, la mitochondrie, c'est l'ancêtre de la mitochondrie. C'est une histoire de symbiose encore. C'est une bactérie. Donc, on a pu montrer ça avec la génétique encore. Mmh. Une bactérie donc qui s'est transformée. On pense que justement, comme on en parlait tout à l'heure, avec ces histoires de prédation dans les cellules, les organismes unicellulaires, il y a probablement une cellule à un moment donné qui a engouffré une bactérie, ce type de bactérie, et au lieu de la digérer, la bactérie est restée et s'est mise à fonctionner en symbiose avec le. Et donc à fabriquer de l'énergie. Qui fabrique de l'énergie, voilà. Ouais. La bactérie, elle fabrique de l'énergie parce qu'elles en ont besoin de toute façon pour fonctionner. Et donc celle-là s'est spécialisée dans la cellule pour fabriquer l'énergie de la cellule. Mmh. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il y a eu des échanges génétiques entre la bactérie et le noyau de la cellule. Donc il y a vraiment... ça, c'est tout le secret, à mon avis, de la complexification du vivant. C'est les interactions entre les organismes. Ouais. Donc des allers-retours permanents. Des allers-retours permanents. Voilà. C'est ça dont il s'agit. Et cette symbiose, effectivement. Ouais. La mitochondrie, ça prend quelle place dans un noyau de cellule, en fait ? C'est pas dans le noyau, c'est dans le cytoplasme. Enfin, dans une cellule, il y a la membrane. Mmh. Le noyau dans nos cellules, hein, noyau au milieu, et puis dans le cytoplasme, ce qu'on appelle le cytoplasme, qui est un liquide, hein, qui contient plein de choses, il y a les mitochondries. Donc c'est à l'extérieur du noyau ? C'est à l'extérieur du noyau. Les mitochondries, c'est à l'extérieur du noyau. D'autres questions pour vous sur franceinter.fr, Eric Carsanti. Quand la photosynthèse, justement, a-t-elle commencé ? La photosynthèse a commencé il y a environ 2 milliards d'années, dans des bactéries, justement, aussi. Mmh. Et c'est ces fameuses bactéries, certaines de ces bactéries, qui sont aussi devenues les chloroplastes des plantes. Donc la photosynthèse a commencé, c'est à ce moment-là qu'il y a des réseaux de gènes qui se sont mis ensemble, qui ont permis d'utiliser la lumière du soleil pour... Ça, on peut dire que c'est une innovation majeure dans le vivant. Ah oui, ça a été absolument majeur. Ça a été vraiment un épisode extrêmement important. Sans ça, la Terre ne ressemblerait pas à ce qu'elle est aujourd'hui. Il n'y aurait pas les plantes, il n'y aurait pas de verdure. Jean-Pierre nous dit, certaines cellules peuvent être fonctionnelles tout en étant mortes. C'est le cas, par exemple, des vaisseaux qui transportent la sève brute chez les plantes à fleurs, par exemple. Ah bon ? Oui. Alors expliquez-nous. C'est pour ça. Quand je dis des cellules vivantes, finalement, c'est pas bête. Là, ça justifie finalement que vous employiez ce terme de vivant. Mais alors là, pourquoi elles peuvent être mortes ? Elles peuvent être mortes parce qu'en fait, pendant leur vie, elles fabriquent des structures qui, en fait, font des tubes. Donc ensuite, elles ont plus besoin d'être vivantes. Tout ce qui est vivant dans la cellule disparaît. Mm-hmm. Mais ce qui a été fabriqué par la cellule, la lignine en particulier, fabrique des vaisseaux et donc qui permettent donc de transporter des choses. Donc ça sert. C'est un exemple où justement des cellules ont servi la collectivité en disparaissant, quoi. Ouais. Donc c'est l'abnégation absolue. L'abnégation absolue. Qu'est-ce que c'est beau, magnifique. L'étude du développement justement des embryons, vous le racontez, hein, ça a été plein de contradictions. Ouais. Et c'est pour aussi dire que le chemin de la science, il est aussi semé d'embûches. Mm-hmm. Et que parfois, on arrive à des résultats sans qu'on les ait forcément... Absolument, ouais. Alors, imaginez, pensez. C'est important ça, parce que il y a beaucoup de discussions en ce moment souvent sur l'intégrité des scientifiques, les choses comme ça. Bon. Moi, je trouve qu'il y a, si vous voulez, la science, c'est une série d'erreurs. C'est-à-dire que on cherche. Mm. Tous les scientifiques savent ça. Quand on travaille sur un domaine inconnu, on se perd. Hein, comme quand on va dans une forêt qu'on connaît pas, on navigue, ou sur l'océan, quand on navigue à l'estime, de temps en temps, il y en a qui se perdent. C'est ça. Ouais. Et c'est un peu la même chose, parce qu'au début, beaucoup de gens font l'équivalence entre science et technologie. Mm-hmm. La technologie, c'est quand on sait déjà. Mais la science, on sait pas. Donc, de temps en temps, on se perd, et c'est l'intuition qui permet de naviguer. Ouais. Et aller au pif, c'est pas mal non plus. Voilà. Un peu de pif. Ouais. C'est ce que vous préconisez. Voilà, exactement. Eric Carsanti. Et c'est bien, on aime bien ça aussi, même si vous le dites, beaucoup de scientifiques refusent de reconnaître l'importance de l'intuition. C'est pas toujours forcément très confortable. Ouais. En tout cas, vous racontez tout cela, la vie de ces grands personnages, votre parcours aussi, et puis évidemment, cette biologie aux sources de la vie. C'est sorti hier, et cet ouvrage paraît aux éditions Flammarion. Merci beaucoup, Eric Carsanti. Merci beaucoup. D'être venu nous en parler aujourd'hui. Merci. La tête au carré. Thank you. Ainsi se termine notre tête au carré. Merci à Mathias Alléon qui était aujourd'hui à la technique, Thierry Dupin pour la programmation musicale de l'émission. Et demain, en direct, j'accueillerai le sociologue David Le Breton pour parler du rire. Bonne journée, bon après-midi. Affaires sensibles dans un instant, Fabrice Drouel.